Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Françoise Loranger sous le signe de l'écriture. Quand vous désirez une chose très fortement, il n'y a rien au monde qui peut vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez. Si les gens pouvaient savoir ça, c'est facile, les choses sont là. Il s'agit de les désirer, il n'y a rien qui résiste à cela. Il faut faire ce qu'on veut, il faut aller jusqu'au bout de soi-même, parce que c'est la seule façon de se dépasser. Françoise Loranger, à l'émission Au bout de mon âge, en 1968, cette détermination, cette ambition, ce goût du dépassement qu'exprime Françoise Loranger dans cet extrait l'amèneront au sommet de son art. Dans les années 50 et 60, Françoise Loranger compte parmi les plumes les plus influentes du Québec du temps, au même titre qu'un Marcel Dubé, par exemple, au même moment. Françoise Loranger est partout, à la radio, à la télévision et au théâtre. Françoise Loranger, est-ce que vous avez toujours fait ce que vous avez voulu? Au cours de la vie, dans l'ensemble de ma vie, oui, je dois dire, oui. Pas mal, oui. Sauf sur certains plans de la famille, mais dans le domaine de la carrière, oui, pas mal. Oui. Alors, cette liberté-là, là, quand avez-vous commencé à la prendre? En naissant, je pense. J'ai eu la chance d'être élevée dans une famille qui était assez peu conventionnelle et qui respectait beaucoup la liberté des enfants, tout en ayant remarqué que c'est une liberté encadrée, mais c'était suffisant pour nous donner le goût de la liberté et de pousser ça aussi loin que possible. Françoise Loranger à l'émission Femmes d'aujourd'hui en avril 1971 pour nous rappeler l'importance qu'a eue Françoise Loranger dans notre dramaturgie. Je reçois Alexandre Cadieux qui est chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'Ottawa. Alexandre Cadieux, bonjour. Bonjour. Françoise Loranger, c'est vrai, Alexandre Cadieux, qu'elle compte parmi les dramaturges les plus importants du 20e siècle au Québec. Pourquoi est-elle si importante? Bien, d'abord, c'est une de nos premières autrices dramatique, qui est parvenue à faire carrière, c'est-à-dire à vraiment gagner sa vie par l'écriture. En travaillant, comme on l'a dit, sur plusieurs plateformes, à la radio, à la télévision, pour la scène. Donc ça, pour les femmes, c'est une première. C'est aussi quelqu'un qui, dans les années 60, va participer, va être à l'avant-plan d'une sorte de rénovation dramatique, c'est-à-dire va expérimenter des formes d'écriture pour le théâtre qui sont à ce moment-là inédites, ouais. Du moins au Québec, sur les scènes d'ici. Et quand on la compare, je parlais de Marcel Dubé il y a un instant, qui était aussi dans les mêmes années à peu près partout, au théâtre, à la télévision. Comment elle se compare à un Marcel Dubé? Comment elle se compare à une Gabrielle Roy, par exemple? On l'a souvent comparée à Gabrielle Roy. Elle est de la même génération que Gabrielle Roy, que Anne Hébert. Donc, c'est les premières grandes figures d'écrivaines canadiennes-françaises au 20e siècle. C'est vrai qu'avec Dubé, elle partage certains traits. Donc, elle écrit beaucoup ses premières pièces dans les années 60, on en reparlera tantôt, mais c'est des milieux assez bourgeois, assez libéral. C'est le milieu dont elle venait elle-même. Après, là où elle se distingue de Dubé, c'est un peu dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'après avoir exploré cet univers-là, social, elle va se tourner vers des formes de théâtre qui emprunte à la joute sportive, qui emprunte aux assemblées citoyennes, alors que Dubé est toujours resté dans un certain réalisme, dans un certain drame. Dans le système aussi, le grand système des médias, Loranger va s'en éloigner. Oui, aussi, à partir d'un certain moment. Ouais. Elle a, malgré tout, malgré cette importance qu'elle a, elle est un peu passée à l'oubli avec le temps. Pourquoi? Mais d'abord, c'est une femme, c'est pas innocent de le rappeler. Hein. La mémoire et l'histoire sont souvent plus oublieuses, plus cruelles à l'égard des femmes. Je pense aussi qu'elle s'est illustrée dans des formes qui sont plus éphémères. La radio, la télé, le théâtre. Donc, comparativement au roman, par exemple, à la poésie, au cinéma... Anne-Gabrielle Roy, on y revient. Ben voilà. Donc, les choses laissent des traces. Alors que même si on a publié, par exemple, ces textes dramatiques, on les a très peu remontés. Fait qu'on a le livre, mais l'objet lui-même, donc ça appartient un petit peu à l'actualité de la scène, de l'écran ou des ondes. Donc, c'est des choses qu'on oublie un peu plus facilement. D'autant qu'elle a écrit, pour ce qui est du théâtre en tout cas, une écriture très proche de l'actualité du temps. Tout à fait. Qui a moins de pérennité, donc, par définition. Tout à fait. Donc, vraiment en prise sur son temps, entre autres dans les années 68, 69, 70. Elle s'inspire de la visite du général de Gaulle, par exemple, qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle s'inspire des débats linguistiques qui ont cours, si on se souvient, bon, de la commission scolaire de Saint-Léonard, de la question des écoles anglophones. Ouais. Donc, oui, c'est un théâtre qui est très ancré dans son actualité. Et parfois, ben, ça fait qu'évidemment, ça vieillit moins bien, mais en tout cas, c'est ça, c'était très ancré dans son présent. Parlons un petit peu du début de cet amour des mots qui vient très vite pour Françoise Loranger. Vous le disiez, elle est issue d'un milieu plutôt bourgeois. Parlez-nous de ça, de cette jeunesse, de cette enfance, mais surtout de la façon dont assez vite, oui, elle va s'intéresser aux mots, à la littérature. Oui. Bien, Françoise Loranger est née en 1913 au Mont-Saint-Hilaire. C'est une famille, une bourgeoisie libérale. Son père est avocat, va finir juge par après. Son grand-père maternel, qu'elle n'a pas connu, était Edmond Larrault, qui a été un gars qui s'est opposé, par exemple, à la pendaison de Riel, qui a été député libéral sur la scène provinciale, qui a été éditorialiste. Donc, c'est une famille comme ça, elle le disait très bien dans l'extrait, donc, où les idées circulent. Et très rapidement, elle va avoir une éducation à ce qu'on appelle à l'époque les écoles lettres-sciences pour les jeunes filles. Oui. Ce qui est le plus proche ou à peu près du collège classique qui était offert aux filles, du moins en tout cas dans les années 20. Donc elle reçoit comme ça une bonne éducation. Et assez rapidement, elle va se rapprocher de la radio. Elle va travailler avec Paul Langlais à CKAC, donc il l'engage, commence à travailler sur des textes dramatiques pour la radio. Et rapidement, de CKAC, elle va passer à Radio-Canada où elle travaille avec Robert Choquette, qui est le grand architecte des dramatiques à Radio-Canada. Et qui va être une figure très, très importante pour elle, avec qui, parce qu'elle travaillera avec lui, avec qui elle va écrire ce premier grand succès pour elle à la radio, La vie commence demain. C'est diffusé, cette affaire-là, en 1943. La vie commence demain, due à la plume de Mme Françoise Loranger-Simard, vous est présentée par les fabricants du savon Ivory et de l'Oxydol. Un jour, j'ai rencontré Robert Choquette et je lui disais que j'aimais beaucoup écrire. Alors, il dit, mais j'ai besoin de quelqu'un justement pour m'aider à faire du travail. Veux-tu travailler pour moi? Alors, j'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas du tout comment faire. Alors, il dit, viens, je vais t'apprendre le métier pour écrire des sketchs à la radio. Alors, j'ai dit, très bien. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, vous voyez, simplement parce que j'avais échangé avec lui et j'en avais parlé. Et finalement, c'est comme ça que j'ai appris. Comme Robert était très sévère sur ce qu'il faisait, à certains moments, je lui apportais des textes, puis il disait, « Oh non, c'est pas parce que pense, t'es passé à côté, là. Ça, t'aurais pu développer ça comme ça, t'aurais pu développer ça comme ça. » Alors, à force de, ben, tu finis vite par apprendre. Monsieur de Montigny, qui revenait du village, entra à la ferme, surpris de ne trouver personne dans la cuisine. Impatient, il appela. « Marie! » Léonie, Joseph! Il n'y a personne ici. Marie! Oui, j'arrive. Françoise Loranger, à l'émission Portrait en 1975, vous entendiez également un extrait de La vie commence demain dans cet extrait diffusé en 1943. Quelle importance aura pour Françoise Loranger la radio, Alexandre Cadieux? Bien, elle le disait, c'est son école. Elle va écrire pour la voix humaine. Elle va beaucoup insister là-dessus. Donc, on a dit radio, plus tard télévision, théâtre, c'est surtout l'idée d'écrire des dialogues, ouais, l'idée de donner mots aux personnages. Avec Choquette, ça va être tout un apprentissage. Bon, peut-être qu'en fouillant, on se rendrait peut-être compte aussi qu'en tant qu'assistante, elle a peut-être plus d'impact sur certaines choses que d'autres. Par exemple, à un certain moment, c'est elle qui va prendre en charge la pension Velder, qui est grand radio-feuilleton de l'époque. Elle se lie d'amitié avec Judith Jasmin, qui est comédienne à ce moment-là, qui va devenir journaliste. Donc, cette idée de développer les sensibilités des personnages par la parole, c'est quelque chose qui va lui rester, ouais, et qu'elle va amener ensuite à la télévision. Quand on va ouvrir donc la télévision au début des années 50, elle va écrire des émissions éducatives. Elle va écrire aussi beaucoup de téléthéâtre. Ouais. On a, bon, à la fin des années 50, Madame la Présidente, jour après jour, c'est tout des dramatiques pour la télé. Donc, elle va transposer un petit peu ce bagage-là de la radio pour l'écran. Ça, c'est le début. C'est le début à la télé. Puis il y aura plus tard, puis on y revient dans un instant, de grands téléromans. On pense évidemment au téléroman Sous le signe du lion qui va arriver en 61. Mais petite parenthèse, parce qu'à travers cette écriture radiophonique, elle va commettre, entre guillemets, un roman. En 1949, le roman Mathieu, le seul roman qu'elle va publier. Pourquoi un seul roman? pourquoi un seul roman? C'est un roman qui va être drôlement accueilli, d'abord, qui remporte un concours, le premier concours organisé par le Cercle du Livre de France, et donc qui avait été mis sur pied, une édition mise sur pied pour développer l'imaginaire romanesque canadien-français. Et on va publier son livre, mais on va refuser de lui donner le prix, entre autres parce que c'est un roman qui est très marqué par les questionnements existentiels, un peu comme Les Portes, à l'époque, la littérature de Sartre ou de Camus, par exemple. Donc, c'est un personnage de Mathieu qui est pris comme ça dans une crise personnelle, mais dans lequel la religion joue pratiquement aucun rôle. Alors, c'est pas un pamphlet athée, mais c'est si surprenant pour le milieu des lettres canadiens-français que la religion, comparativement à tous nos romans du terroir des années 30-40, ait si peu d'impact dans la vie de ce personnage-là que c'est comme un livre presque gênant. Et pourtant, va être assez bien accueilli. Mais elle-même, pour répondre à votre question, elle-même va dire qu'il y a quelque chose de tricheur dans le roman, qui est cette narration un peu omnisciente. Ah oui. Le fait qu'il y ait toujours quelqu'un au-dessus des personnages pour nous décrire un certain nombre de choses. Donc, c'est pour ça qu'après, elle va se concentrer sur des formes où le personnage, c'est le personnage seul qui s'exprime et c'est par lui le dialogue. Seul. Voilà, c'est lui seul qui se défend, qui défend sa position. Et au lecteur, ou en tout cas au spectateur, dans le cas du théâtre ou de la télévision, de juger de ça ou de prendre parti pour un ou pour l'autre, mais en enlevant la narration. Sous le signe du lion. Tout en haut de la ville, sur le flanc ouest du Mont-Royal, s'étalent les riches propriétés des millionnaires canadiens-anglais. Pendant près d'un siècle, ils se sont partagés entre eux cette partie de la montagne, mais depuis quelques années, des Canadiens français sont venus les rejoindre. C'est l'histoire de l'un de ces grands financiers sortis du fond de la campagne québécoise que nous allons vous raconter. L'histoire de Jérémy Martin, un de ces hommes qui sont montés au sommet par la seule force de leur volonté et de leur ambition. C'est quand je pense, quand j'ai écrit le signe du lion, on l'a laissé sur des tablettes pendant un an parce qu'on trouvait que c'était trop... c'était immoral, c'était... etc. Qu'est-ce que vous voulez? On se disait que le public n'était pas prêt. Le public n'était pas prêt. Moi, je trouvais ça marrant. Ça, vraiment, j'ai jamais accepté de croire que le public n'était pas prêt. C'était pas le public qui n'était pas prêt, c'était justement la fameuse élite en question qui nous empoisonnait l'existence. C'était elle qui n'était pas prête. Françoise Loranger, qui parle du téléroman Sous le signe du lion, il est diffusé, ce téléroman-là, à partir de 1961, Alexandre Cadieux. C'est son plus grand, en tout cas, certainement son plus connu comme téléroman. Quelle importance il a pour elle et pour la société québécoise? On le voit dans l'extrait, sa résistance au début, on ne veut pas produire ce téléroman tout de suite. Quel impact va avoir Sous le signe du lion? Je pense que c'est devenu, dans l'imaginaire québécois, en tout cas, c'est presque un monument. Récemment, je demandais à mon père qui tenait le rôle principal et il me l'a dit tout de suite. Oui. Il se souvenait très bien que c'est Ovila Légaré, donc qui jouait ce personnage de riche financier canadien-français. Sous le signe du lion, une des particularités, c'est que jusqu'à ce moment-là, la fiction qui s'écrivait à Radio-Canada, c'était la logique du feuilleton. C'est-à-dire qu'on suivait un groupe de personnages. Évidemment, c'est les ploufs, le prototype de ça, mais un groupe de personnages qu'on pourrait avoir l'impression qu'ils sont capables de générer de l'intrigue pour toujours, tu sais, la chronique de leur petite vie, tout ça. Donc, vraiment des émissions comme ça qui pourraient continuer. Alors que Sous le signe du lion, ça a été conçu et écrit comme une série en 30 épisodes. Donc, il y a un début, un milieu et puis une fin. Tout ça est très clair. Et ça, c'est nouveau. Oui. En tout cas, c'est une des premières, ici au Québec, séries. Vraiment dans une logique comme ça de télésérie plus que de téléroman. C'est peut-être un langage plus contemporain, mais vraiment dans l'idée que c'est une œuvre finie. Et c'est à la fois suivre comme ça le développement psychologique des personnages. Il y a cet élément de mystère. À partir de certains objets, on essaie de faire la lumière sur une mort un petit peu suspecte, celle de la mère. Et bien évidemment, toutes les vedettes de l'époque, Edine Mousseau, Jean Coutu, Ovila Légaré, c'est immense comme succès. Une modernité aussi dans la thématique. Ça aussi, c'est assez nouveau à la télé québécoise de l'époque. Oui. Il y a des relations entre les personnages qui secouent un petit peu la morale. Bon, cette histoire entre l'homme et son ancienne maîtresse, avec qui il a eu une fille, il a ramené la fille dans le giron de la famille, cette mère-là qui est décédée et qui en savait beaucoup plus que tout ce qu'on avait voulu lui cacher, mais qui a accepté certaines choses. Donc, ça, oui, ça joue sur les codes moraux de l'époque, et peut-être que oui, il y avait des résistances, tout à fait. Donc, de la télé, avec ce grand succès en poche, entre autres, sous le signe du lion, Françoise Loranger décide de passer au théâtre. Sa première pièce est présentée au Théâtre du Rideau Vert en 1965. Il s'agit de la pièce « Une maison, un jour ». On va suivre très, très vite la pièce « Encore cinq minutes ». Ces deux pièces-là font partie du théâtre de Françoise Loranger, première mouture, disons ça comme ça. Comment décrire justement cette première période théâtrale de Françoise Loranger? On parlait de Marcel Dubé tout à l'heure. Je pense qu'on est dans un certain réalisme assez bourgeois, psychologique. Les deux sont un peu faits de la même façon. C'est-à-dire qu'une maison, un jour, ça rappelle Tchekhov, ça rappelle la cerisette. C'est cette fameuse maison que l'on doit abandonner, maison familiale. Et bon, vous avez le grand-père qui ne veut pas partir, vous avez la fille qui est bien décidée à en finir. C'est la symbolique de, ben, justement, à un moment donné, il faut couper avec nos racines pour s'accomplir. C'est l'idée de la libération individuelle. Encore cinq minutes, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que c'est une femme qui, elle, fait le ménage dans ses meubles. Hein. Elle est encombrée. Son espace est encombré. Elle essaie de s'en sortir un peu. C'est des pièces qui vont être créées au Théâtre du Rideau Vert, qui, à ce moment-là, est peut-être notre grande scène bourgeoise, je voudrais dire, sans que ce soit péjoratif. Mais bon, c'est théâtre, disons, pour le plus grand nombre. Mais quand même, Une maison, un jour, ça va être joué en Union soviétique. Ah bon? Après une tournée, peut-être une des premières pièces québécoises présentées derrière le rideau de fer. Mais là, on est en 65 et 67, à peu près. Ouais. Un peu plus tard, fin des années 60, début des années 70, Françoise Loranger rompt avec ce qu'elle appelait elle-même, d'ailleurs, son théâtre bourgeois, ce théâtre dont vous venez de nous parler, pour se tourner vers un théâtre plus social, un théâtre plus engagé, un théâtre carrément politique. La pièce Médium saignant est peut-être le meilleur exemple de ce théâtre plus politique qu'elle va faire à partir de la fin des années 60. On écoute le chroniqueur Albert Martin parler de l'accueil que réserve la critique anglophone montréalaise à la pièce Médium saignant lors de sa reprise au Théâtre Jean Duceppe en 1976 et tout de suite après, vous allez entendre Jean Duceppe lui-même parler de la pièce à l'émission Entre parenthèses diffusée à l'époque à CKRL. Avec Médium saignant de Françoise Loranger, on peut dire que Jean Duceppe est assuré de la rentabilité de sa production cette fois. L'atmosphère de la campagne électorale, l'actualité des problèmes linguistiques à Montréal, tout cela lui crée des conditions de succès extrêmement favorables. C'est un choix très habile. Parce que Médium saignant, c'est évidemment de la politique. Et curieusement, cette pièce qui a été créée en 70 et qu'on reprend aujourd'hui en 76 n'a pas tellement vieilli. C'est toujours l'actualité. La loi 63 s'est transformée en loi 22, mais les problèmes sont encore les mêmes et les arguments n'ont pas changé. C'est un spectacle qui a été conçu pour soulever les passions, et il les soulève, chez les spectateurs bien sûr, mais aussi chez les critiques. Il faut lire les critiques anglophones pour voir à quel point le sujet est explosif. Laurence Sabat au Montréal Star et Julia Masculis à la Gazette ne peuvent dissimuler le sentiment de gêne, d'embarras qu'ils ont ressenti le soir de la première. Intransigeance des propos, exploitation de la haine, c'est ainsi qu'ils perçoivent le spectacle. Pour eux, Médium saignant est un discours politique clairement orienté. Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est étrange et c'est formidable en même temps de constater qu'une femme qui s'appelle Françoise Loranger a écrit cette pièce-là en 70 et a fait une sorte de projection, puisqu'elle était encore actuelle hier, des gens qui me disaient après le spectacle, elle est encore plus actuelle maintenant, avec le résultat qu'on... Il y a des phrases clés dans la pièce. Il y a des gens qui m'ont accusé de racisme à Montréal, mais on fait dire à l'Italienne des choses qui sont vraies. Elle dit à mon dernier, l'Italienne, et qui est la thèse, c'est devenu la thèse des Italiens de Montréal. Si c'est pour tout le monde, d'accord. Elle a raison, pas seulement pour les Italiens. Pas une loi 22 pour les Italiens, la loi 22 pour les Anglais, pour tous les nouveaux Québécois qui arrivent au Québec, où vous parlez français, ben, déménager, comme on leur dit dans la pièce. Une des belles phrases de la pièce, c'est « Quand l'anglais intervient en anglais », puis on veut traduire, puis c'est Pascal Rollin qui a la réplique, et qui dit « Ah non, ils ont voulu vivre en étranger depuis deux siècles, qu'ils en subissent les conséquences. » C'est vrai. Ils nous ont vomi pendant deux siècles, ils nous ont méprisés pendant deux siècles, et maintenant, ils sont tous, là, sont des petits bonhommes qui disent « Non, on est en minorité, ménagez-nous, vous n'avez pas le droit, vous savez, les minorités ont des droits, mais ils auraient dû y penser avant. » Alors, je pense que la pièce fait prendre conscience, sans être raciste, fait prendre conscience des droits des Canadiens français, S'il y a des droits de minorité, il y a des droits de majorité aussi. Ce qu'on vient d'entendre, Alexandre Cadieux, nous montre admirablement à quel point cette pièce-là, elle est effectivement, c'est un texte politique, et on comprend très bien le genre de passion que ça peut susciter. Et ce virage-là, ce sera ça. Elle va écrire trois pièces à la fin des années 60-70, Françoise Loranger, dont Médium saignant, des pièces qui sont vraiment des coups de poing, qui sont vraiment des prises de position politiquement. Qui sont des prises de position, mais surtout qui placent le spectateur dans un nouveau rôle. On parle de médium saignant que Jean Duceppe défend ici. La pièce est conçue comme une séance du conseil municipal dans lequel les spectateurs sont, dans le fond, les citoyens qui viennent assister et qui sont, d'une certaine façon, invités à prendre parti. Oui. Peut-être pas vocalement, peut-être pas en se manifestant, mais on leur présente comme ça, bon... La toile de fond, c'est les conflits linguistiques avec les commissions scolaires et le choix que les immigrants néo-québécois peuvent envoyer leurs enfants à l'école anglophone. Elle disait qu'elle faisait entendre tous les points de vue. Bon, on l'accuse d'être orientée dans l'extrait. Peut-être l'était-elle, c'était une nationaliste. Mais dans ce spectacle-là, comme dans Le chemin du roi, qui est monté comme une partie de hockey, il y a cette idée-là de placer le spectateur en position de juge. Oui. Elle disait avant, mes pièces étaient inspirées par des personnages, maintenant, ils le sont par des situations. Mmh. Donc, elle développe comme ça des formes qu'aujourd'hui, on pourrait dire théâtre. Bon, il y a un peu de théâtre documentaire, il y a un peu de théâtre participatif. C'est politique au sens où ça repense aussi la relation entre le spectateur oui. et l'œuvre. Donc, pas juste dans le propos, mais aussi dans la forme d'inclure le spectateur dans la réflexion. En 71, elle va écrire une dernière pièce, Un si bel automne, un texte cette fois-là inspiré de la crise d'octobre. Ça ne va pas sortir de ses tiroirs, si je puis dire. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'ailleurs de quitter la scène publique, Françoise Loranger. Parlez-nous un petit peu de ce moment charnière et de ce qu'elle va devenir après ça. Oui. Bien, on va dire que la pièce est justement trop... Le sujet est un petit peu trop explosif. C'est quand même une tragédie nationale, la crise d'octobre. Après, la pièce n'est pas aussi avant-gardiste dans sa forme. Et puis même la crise d'octobre, c'est l'espèce d'arrière-plan politique. Mais sinon, c'est... Ouais. Bon, c'est une pièce dramatique. Oui, elle va se retirer de la vie publique. Après, c'est aussi un moment où Michel Tremblay arrive, où c'est toute l'effervescence de la création collective. À ce moment-là, Françoise Loranger a presque 60 ans. Donc, il y a aussi quelque chose qui emporte la génération précédente, ouais. parce que toute la génération du baby-boom arrive. Elle va se retirer un peu de la vie publique. Elle va enseigner la création littéraire à l'Université Laval, où son mari, Jean Michaud, enseigne l'architecture. Produira plus, sinon quelques textes pour la télévision à la fin, soutenus par son amie Hélène Pedneault. Mais sinon, voilà, à partir du début des années 70, elle disparaît. Et elle meurt donc en 1995. Alexandre Cadieux, chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'Ottawa, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.